À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes actes 2017, le comité suisse-corée et le cercle d'études des idées justiciers de Suisse ont exalté dans leur déclaration commune les exploits immortels du général qui a renforcé l'armée populaire de Corée en force révolutionnaire invincible capable d'anéantir d'un seul coup tout ennemi.